À l'arrière de la mairie de Grenoble, le parc Paul Mistral propose un paysage sonore qui relègue la circulation à l'horizon d'écoute. Le murmure de la ville ne se fait jamais totalement oublier, mais devient relatif. Car contrairement à l'enregistrement, qui retranscrit uniformément tous les sons captés, notre perception filtre les sons entendus et les organise jusqu'à parfois recomposer en imagination la situation vécue. Voici la traversée du parc Paul Mistral, un jour de pluie, jusqu'au boulevard Clémenceau.